Chapitre 56. L'infirmier considéra Judith endormie, puis son regard revint se fixer sur le médecin. « Je l'ai trouvée dans la salle de repos la nuit dernière pendant ma pause, » expliqua-t-il. « Debout, derrière la porte, dans le noir, elle se cachait. Elle était persuadée que des gens venaient pour elle et on a dû lui administrer un calmant. »« Des gens ?» L'infirmier cita le nom d'un interne et d'une infirmière. « Ils prenaient leur service. » Elle a dit qu'il venait probablement pour la tuer. Il émit un soupir, porta le gobelet de polystyrène fumant à ses lèvres, grimaça. « Ce café est toujours aussi infect. On ne pourrait pas installer une machine à dosette à l'étage un de ces jours. Bref, je suis pas un spécialiste, mais j'ai quand même l'impression qu'elle souffre d'une forme de délire de persécution. « Comme une bonne partie de la population de ce pays, » commenta philosophe le médecin. « Pourtant, son agression est bien réelle. » « Ça, on n'a aucun doute là-dessus », admit l'autre en observant les pansements et les bandages sur le visage de Judith. « Et on a trouvé des traces significatives de GHB dans son sang », continua le toubib. Cette fois, l'infirmier ne dit rien. « Donc, à sa place, je serais quand même un tout petit peu parano, moi aussi, tu ne crois pas ?» ajouta-t-il d'un ton condescendant. L'infirmier se le tint pour dit et la boucla. Il ne pouvait pas blairer le médecin qui, en retour, le tenait pour un imbécile. « Évite de jouer les psychologues à l'avenir », conclut ce dernier. « C'est le boulot des gendarmes. »